L'oiseau manqueur avait fait une vidéo où il qualifiait Guylaine Langteau de son prénom véritable de folle. Puis il y a des gens qui se sont plaints comme quoi que c'était très soudain après sa mort puis qu'il respectait pas une certaine période de deuil. J'ai rien à voir avec la biologie totale. La biologie totale ou la médecine nouvelle de la mer. Une certaine période de deuil, mais nous parlons ici d'une personne qui prétendait être Dieu et que la mort n'existe pas, donc pourquoi respecter une période de deuil? André Saint-Arnaud, ça vous dit quelque chose? Vous n'avez pas accompagné l'ingénieur de Québec, André Saint-Arnaud? Dans la bibliothèque d'André Saint-Arnaud, la famille a pourtant trouvé des livres de Guylaine Langteau avec des dédicaces personnalisées. Il y en a qui diront, ben, c'est pour ceux qui restent. Ben oui, mais selon la logique, ben, pourquoi, je veux dire, si ça vous fait, c'est des cadeaux évolutifs, beding bedoing, c'est tout. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, ça n'existe pas. Toute expérience est toujours un cadeau. Et même d'avoir été violée à l'âge de 3 ans, si c'est le cas, c'est toujours un cadeau évolutif. Prenez-le de même, c'est votre doctrine des hippies granola complètement sautée. Donc, va falloir faire avec. Ça prend une certaine cohérence. Ça prend une certaine cohérence. Puis, moi, par rapport à des critiques qui m'ont été faites, c'est toujours du genre typique des disciples de ce genre de personnes-là, c'est-à-dire du monde qui n'ont aucune espèce de capacité de sens critique réel par eux-mêmes, qui vont me répondre des affaires genre vos propos, là, berk, yark, caca. Mais ça, là, c'est pas des arguments. Hein? C'est pas une critique argumentée, c'est une onomatopée. À l'image du vide des disciples de cette tarte-là. Elle demande maintenant à se faire appeler Dies Guy, une abréviation de son prénom avec une combinaison des mots Dieu et déesse. Là, on nous annonce sa mort, elle a fait le choix de quitter son enveloppe corporelle. À chaque fois qu'un maudit gourou de marde, que ce soit hippie granola ou peu importe de psychédélique, de charogne, de pourriture d'enfant de chienne creuve, c'est toujours ah, il a fait le choix de quitter son enveloppe corporelle. Mais oui, vous nous prenez pour qui? J'ai rien à voir avec la biologie totale. La biologie totale. Il faisait juste confiance aux idées de Guylaine Langteau, il n'y avait pas moyen de le faire changer d'idée. Parce que cette bonne femme-là, à mes yeux, c'était une victime, mais quelque part, il y avait quelque chose en elle qui l'habitait, qui était méprisable. Pourquoi? Parce qu'elle était luciférienne, elle prétendait qu'elle était Dieu. Puis j'ai le même mépris contre toute personne qui est dans la folie, la distorsion cognitive, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? On est dans de la névrose pure. Puis je vois un danger là-dedans. Vous avez la prétention d'être Dieu, vous prétendez être Dieu, préparez-vous à être testé en conséquence. Si cette bonne femme-là, c'est Dieu, ben qu'elle ressuscite puis qu'elle vienne me confronter. Rien à voir avec la biologie totale. Médecine, thérapie alternative, extrêmement non nocive, efficace et interdite. Aujourd'hui, on va voir la médecine nouvelle de Hamer. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Aujourd'hui, je vous en parle allègrement. Je ne me cache pas, moi, pour en parler. On a regardé cette vidéo-là. Moi, j'ai vu dans le visage de Bernard qui s'était rendu compte qu'il s'était fait avoir. La pognez-vous? Comprenez-vous ce que je dis? Je m'en vais dire ce que je veux d'elle. Puis je m'en fous qu'elle soit morte, puis que le monde voie ça comme un sacrilège, comme si je m'essuyais les pieds sur son cadavre. Ça me fait plaisir de le faire. Puis plus il va y avoir des réactions négatives, plus que je vais être content. Plus que je vais être content, plus que je vais être fier. Vous nous prenez, elle a pas fait le choix de quitter son enveloppe corporelle, calvaire du Nord, elle est tombée malade, puis elle est morte, parce que c'est un être humain. Le seul deuil qu'il y a à faire, c'est celui de vos illusions. Puis si vous n'êtes pas content de ce que je dis, si ça vous fait mal, ben prenez-le comme un cadeau évolutif. Ça, c'est votre doctrine de sans dessein. Merci, bon.